Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Ce premier vendredi fiction de cette nouvelle saison, nous avons voulu vous gâter, pas commencer petit, mais s'arnacher à un géant, à un demi-dieu, à un homme qui a transfiguré au sens magique chaque élément qu'il a touché de sa plume. Père de la contre-culture au sein de la culture pop majoritaire, anarchiste punk et depuis quelques années, magicien autoproclamé, il a fait passer l'univers des comics dans l'âge adulte. Un âge adulte sombre, torturé, qui a renversé la table et piétiné les restes. Il s'est brouillé avec tous ses éditeurs, déteste les adaptations cinématographiques de ses œuvres et a publié récemment un roman Somme qui met en regard sa ville, Northampton, et la cité biblique de Jérusalem, Alan Moore. Le roi est Moore, c'est le programme magique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le tour en moins d'une heure de l'œuvre titanesque et foisonnante du meilleur scénariste de tous les temps, et j'assume ces propos, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Kessy. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes co-auteur avec Nicolas Trespalet du guide Alan Moore qui est publié chez ActuSF et Isabelle Licaré-Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en études anglophones à l'université Nice-Côte d'Azur. Mais avant de se plonger dans l'univers du maître, elle est le docteur Manhattan de l'info scientifique, la Prométhéa de l'actualité de la recherche, c'est Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, selon une étude parue dans Nature Communication, un antiviral utilisé contre un coronavirus félin pourrait être efficace contre le SARS-CoV-2. Il y a la course au vaccin, mais il y a toujours la course au traitement. Cette étude illustre bien la stratégie actuelle qui vise à s'intéresser à des molécules que l'on connaît déjà pour les réorienter thérapeutiquement. Ces chercheurs canadiens ont testé du GC-376, un pro-médicament que l'on utilise contre la péritonite infectieuse féline, un coronavirus mortel chez le chat. Le GC-376 est un inhibiteur de protéase qui ralentit la réplication du virus. Dans leur expérience in vitro, ils ont montré qu'il était aussi efficace pour inhiber la réplication virale du SARS-CoV-2. Les résultats sont encourageants, des essais cliniques viennent d'être lancés pour tester ce médicament sur l'humain. Isabelle Imper est professeure d'université à Aix-Marseille Université et spécialiste des coronavirus. Les auteurs ont identifié un inhibiteur de l'activité protéase du SARS-CoV-2. Donc les activités protéases codées par les virus, ça permet la maturation de la polyprotéine qui code les protéines ou les enzymes impliquées dans la réplication. Donc de par leur fonction, elles sont vitales pour les virus et en ça, ça en fait des cibles antivirales de choix. Donc cibler les protéases virales, c'est des choses qui ont déjà été faites, qui ont été parfois couronnées de succès. Donc on peut citer un inhibiteur de protéases dans le cadre du traitement contre le virus de l'hépatite C, hein, à une moindre échelle, mais malgré tout ça a été très significatif dans le traitement contre le VIH. Dans les trithérapies que l'on utilise, il y a en outre un inhibiteur de protéases. Donc cette cible virale, elle est reconnue depuis longtemps comme étant une cible de choix. Le point très important, en fait, c'est que là, les tests ont été faits donc in vitro et sur des cultures de cellules. Et donc ça, c'est un peu le grand problème, c'est-à-dire qu'il y a pléthore de molécules antivirales qui marchent jusqu'à la cellule. Et le problème, c'est que quand on va les confronter tout d'abord au modèle animal et en essai clinique, c'est là où on déchante, malheureusement. Et donc, dans le cadre du traitement du SARS-CoV-2, on peut citer le remdesivir, qui était très attendu parce que donc il avait été initialement identifié contre Ebola et il avait été montré qu'il était efficace en modèle animal. Et malheureusement, lorsque on l'a administré à des patients qui avaient des formes graves de Covid-19, malheureusement, il n'y a pas eu le bénéfice thérapeutique attendu. En bref, selon une étude parue dans Science Advanced, dans les grandes villes, l'asphalte peut être plus polluante que les voitures. Et le bitume, les routes elles-mêmes peuvent en fait rejeter plus de polluants atmosphériques que les voitures qui roulent dessus. C'est la conclusion ubuesque de cette équipe américaine. Par spectrométrie de masse à haute résolution, ils ont analysé les émissions de l'asphalte, placées dans différentes conditions et notamment sous de fortes températures. Lors de journées chaudes et ensoleillées, la substance libère des mélanges complexes de composés organiques volatiles, y compris des polluants dangereux. Selon les auteurs, le bitume pourrait être un contributeur majeur à la pollution de l'air dans les zones urbaines. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question de Neuralink, les nouveaux implants cérébraux d'Elon Musk, de la capacité des animaux à pratiquer la distanciation sociale en temps d'épidémie, de la première observation directe d'un trou noir de masse intermédiaire et des éventuels liens entre démence et micropollution plastique. Mais cette semaine également dans l'actualité des sciences et en ultra bref, Natacha. Dans la revue Science, des biologistes du CNRS ont montré que les cellules embryonnaires parlent ensemble. Ils se sont intéressés à l'embryogenèse de l'ascidie, de petits animaux marins. Pour passer de l'œuf fécondé à un embryon, les cellules échangent des signaux chimiques. Elles se touchent pour communiquer entre elles, comme pour lire leur surface de contact, afin de mieux s'organiser dans l'espace et pour mieux évoluer. Depuis un an, la Station Spatiale Internationale fuit. Une toute petite fuite d'air qui semble très légèrement augmentée. La NASA a annoncé que la recherche du trou à bord de l'ISS prenait plus de temps que prévu. Les astronautes devraient terminer leur examen dans les prochains jours. Pour le moment, rien de grave, sauf si cette fuite venait à s'agrandir. Et enfin, le ministère de la Santé pense classer l'endométriose dans la catégorie des affections de longue durée. Cette maladie chronique qui affecte une femme sur 10 en France est douloureuse, handicapante, responsable d'infertilité et elle est pour l'instant incurable. Rejoindre la liste des affections de longue durée, cela signifie une meilleure prise en compte de cette pathologie et surtout une prise en charge des soins à 100%. Et comme tous les vendredis fiction, on passe au journal de la science-fiction, Natacha. Selon une étude parue dans Letters in High Energy Physics, une forme de vie pourrait s'épanouir au plus profond des étoiles. Mais ces physiciens américains vont à l'encontre d'un dogme. La vie extraterrestre doit ressembler à celle que l'on retrouve sur Terre. Nous sommes à la recherche d'une vie biologique qui évolue à basse température et qui est régie par la biochimie des acides nucléiques, des protéines et des sucres. Selon eux, une forme de vie basée sur des espèces de courte durée pourrait exister à l'intérieur des étoiles comme notre Soleil, avec des structures qui arriveraient à coder de l'information. C'est ce qu'ils appellent la vie nucléaire. Alors c'est une vision très thermodynamique de la vie. Robert Pascal est physico-chimiste et directeur de recherche émérite au CNRS. Il s'est intéressé aux conditions d'émergence de systèmes complexes qui peuvent ressembler au vivant. Selon lui, la limite majeure, ce sont les températures en jeu au cœur des étoiles. Il reste donc circonspect. Donc c'est cette idée qu'on pourrait avoir quelque chose qui serait capable de se répliquer au sein des étoiles. Les mécanismes qu'ils envisagent sont, il n'y a pas vraiment de détails, ils les évoquent, on va dire que c'est très très très spéculatif. Ils ont une vision très physique de la vie et ils sous-estiment, à mon avis, un paramètre qui est extrêmement important, qui est le problème de la cinétique, c'est-à-dire de la vitesse des réactions. Bon, ça c'était les critiques par rapport à cet article, mais je dois dire que moi il y a une conclusion que je partage, c'est qu'en fait, il n'est pas impossible à mon avis que des structures cinétiques complexes puissent exister dans les étoiles, et c'est qu'il y a un mécanisme au sein des étoiles qui rappelle un petit peu un métabolisme, qui est une voie de formation de l'hélium à partir de l'hydrogène, qui correspond en fait à un cycle de réaction nucléaire, donc qui implique des isotopes, du carbone, de l'azote et de l'oxygène, qui permet effectivement la formation d'hélium à partir d'hydrogène, ce qui est la manière dont effectivement les étoiles tirent leur énergie, et qui peut s'effectuer par des mécanismes complexes. Eh bien, à l'intérieur des étoiles, on peut avoir un autre environnement favorable, j'allais dire, avec des températures qui sont très élevées, un million ou un milliard de degrés. Par contre, des barrières qui sont les barrières correspondant non plus aux liaisons entre atomes et liaisons covalentes, qui sont à la base de toute la chimie organique, mais les liaisons entre nucléons dans le noyau des atomes qui sont beaucoup plus énergétiques. Donc c'est des choses qui se passent à beaucoup plus haute température et à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des systèmes de réaction qui s'organisent. C'est-à-dire le système, on a une boucle catalytique, on a des phénomènes qui rappellent la catalyse en chimie. Voilà, c'est ça qui est intéressant à mon avis. En bref, selon une étude parue dans Earth Science Reviews, sur Mars ou sur la Lune, les tunnels de lave pourraient accueillir des bases planétaires. Et comme sur Terre, il existe dans les sous-sols de la Lune et de Mars des tunnels de lave qui seraient 100 à 1000 fois plus larges que ceux de notre planète. Ce sont les résultats des dernières modélisations d'une équipe internationale de spéléologues et de géologues. Selon eux, ces cavités souterraines seraient des emplacements idéaux pour accueillir les futures bases spatiales. Ces environnements offrent des températures stables, qui ne varient pas d'un jour à l'autre. Ces tunnels protégeraient des rayons cosmiques et ils seraient aussi de parfaits boucliers contre les impacts de météorites qui sont menées courantes à la surface de la Lune et de Mars. Une intelligence artificielle a remporté un combat aérien virtuel contre un pilote humain. Et c'est l'armée américaine qui a organisé des duels entre ses propres pilotes de l'air et des intelligences artificielles. Un pilote de chasse équipé d'un casque de réalité virtuelle a donc perdu son combat aérien 5-0 face à l'algorithme développé par Aeron Systems. Un algorithme à apprentissage par renforcement basé sur un réseau neuronal artificiel. L'IA a dépassé les compétences de ce pilote. Selon l'Air Force Research Laboratory, l'idée n'est pas de développer un système de pilotage autonome, ni de remplacer les pilotes, mais de leur servir de coéquipiers. Et enfin, les créateurs de Game of Thrones vont adapter le problème à trois corps de l'auteur chinois Liu Cixin. Mais pour Netflix, David Benioff et D.B. Weiss vont adapter cette œuvre de science-fiction qui a fait sensation ces dernières années. Cette saga littéraire de 2008 raconte les premiers contacts de l'humanité avec des extraterrestres en pleine révolution culturelle jusqu'à des milliers d'années plus tard. Voilà, vous venez de spoiler les deux premiers tomes. Merci Natacha, bravo. Voilà, donc, bravo. L'auteur de ce roman sera également producteur de la série, mais patience, elle ne devrait pas être disponible avant janvier 2022. Quant à Game of Thrones, le spin-off House of Dragon est également attendu sur HBO. Et comme chaque vendredi, on termine ce journal par la rubrique de science improbable. Natacha, cette fois-ci, ce sont des pilotes qui rapportent avoir vu devant leur hublot de cockpit un homme dans un jetpack à plus de 1000 mètres d'altitude. Ça ressemble un peu à une scène de cartoon, hein, mais cette semaine, donc, deux pilotes de l'air ont annoncé à la tour de contrôle de l'aéroport de Los Angeles, Tower American 1997, nous venons de croiser un gars dans un jetpack. Écoutez. Tower American 1997, we just passed a guy in a jetpack. American 1997, okay, thank you. Were they up to your left side or right side? Off the left side, maybe 300 yards or so, about our altitude. Donc ce n'est pas une hallucination, hein, parce qu'un autre pilote sur un vol séparé a confirmé qu'il avait vu également un homme dans un jetpack. Alors, les jetpacks d'une telle puissance restent rares. Néanmoins, le FBI et la Federal Aviation Administration viennent d'ouvrir une enquête. Merci, je ne sais pas, voilà, boire ou conduire, il fallait choisir, je ne sais pas. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. C'est un exercice bien bien compliqué qui va être le nôtre maintenant, évoqué en 45 minutes à peu près, la carrière prolifique d'un auteur strictement inclassable, unique en son genre, qui a bouleversé, qui a subverti les codes de la culture populaire jusqu'à se proclamer lui-même magicien, le tout en diffusant, pour illustrer notre propos, des extraits de films adaptés de ses œuvres, films qu'il a toujours renié. Tel est Alan Moore, auteur entre autres des Watchmen, de V pour Vendetta, From Hell, de Killing Joke, des romans La Voix du Feu et du génial et brillantissime Jérusalem. Pour relever ce défi de inconscients, Laurent Kessy, qui est co-auteur avec Nicolas Trespalet du guide Alan Moore chez ActuSF, et Isabelle Licari-Guillaume, maîtresse de conférence en études anglophones à l'université Nice Côte d'Azur. Alors, par où commencer? On a choisi évidemment le fil chronologique, mais dites-moi, selon vous, à titre personnel, pour nos auditrices et nos auditeurs qui n'auraient jamais fréquenté Alan Moore de près ou de loin, par où est-ce qu'il faudrait commencer, selon vous, Isabelle Licari-Guillaume? Par le début? Non. Moi, quand mes étudiants essayent de se cultiver un peu sur la bande dessinée, je leur conseille souvent de lire Miracle Man. Mm-hmm. Donc Marvelman, il a les deux titres à cause du litige avec Marvel. Avec Marvel, évidemment, parce que c'est un peu là que Moore pose les jalons de tout ce qu'il va faire ensuite, et notamment de l'interrogation des poncifs du genre super-héroïque, qui va être un des fils directeurs de sa carrière, pas le seul évidemment, mais disons c'est là qu'il commence à interroger voilà, des codes qui sont les codes fondamentaux du genre super-héroïque à l'époque. Et c'est cette série-là, entre autres, qui va le révéler sur la scène, d'abord sur la scène britannique et ensuite très vite sur la scène, en tout cas transatlantique. Et c'est vrai que à rebours maintenant, on prend beaucoup en compte Watchmen, mais c'est vrai qu'à l'époque, Miracleman était très connu et a largement contribué à lui donner un nom. Et selon vous, Laurent Kessy, par où est-ce qu'il faut débuter? Vous partagez le point de vue d'Isabelle Licaré-Guillaume ou... Sauf que même en anglais, Miracleman a longtemps été indisponible, donc depuis peu on peut le lire. C'est vrai que c'est les débuts de son rapport aux super-héros. Moi j'aurais plutôt une autre réponse, je dirais en mode expert, on peut commencer par Watchmen, hein, si on veut rentrer un petit peu dans le dur déjà, qui est une œuvre déjà somme et qui condense un peu toutes ses obsessions sur les super-héros. Et peut-être en mode un peu plus facile, on peut commencer par Killing Joke, qui est une aventure de Batman, alors qui n'est pas... Souriez en français. Voilà, c'est ça. Qui n'est pas sans doute son meilleur travail, mais qui permet peut-être de se glisser en douceur dans l'univers d'Alan Moore. Et qui a été un peu réactualisé par le Joker de Todd Phillips, qui emprunte un peu de loin, mais qui emprunte tout de même un peu à The Killing Joke. On y reviendra évidemment. On va repartir peut-être depuis le début, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer ou se comprendre à travers, quand on connaît le parcours d'Alan Moore et sa biographie. Northampton, le début, la fin de tout, une ville qu'il n'a quasiment jamais quittée. Et il est né, on peut le rappeler, en 1953, et son environnement familial va avoir une importance très très nette dans sa construction politique et donc dans son œuvre, Isabelle Licaré-Guillaume. Oui, il vient d'un milieu parfaitement prolétaire. D'ailleurs, un des premiers petits boulots qu'il a, je crois qu'il travaille dans un abattoir, donc il porte des sacs de viande toute la journée, ce qui n'est pas forcément ce qu'on imaginerait pour cet autodidacte génial. Qui est devenu végétarien depuis, hein. Oui. Mais son origine sociale, le fait qu'il vient d'un milieu très modeste, va être quelque chose qu'il revendique complètement, malgré le côté très érudit de son travail, et c'est aussi quelque chose qui va transparaître dans nombre de ses œuvres. Je pense notamment à un titre assez peu connu qui paraissait dans 2000 AD, donc une anthologie britannique qui s'appelle La Ballade de Hallow Jones. Tout à fait. Et qui est, c'est la prolétarienne du futur, quoi, en quelque sorte. Qui est un vrai space opéra, parce qu'on va reparler de son rapport à la science-fiction, mais c'est vrai que il est jamais exactement dans une science-fiction canonique. Or, The Ballade of Hallow Jones, c'est vraiment pour le coup une vraie tentative de transformation du space opéra. Parfaitement oublié aujourd'hui, enfin presque parfaitement, et en même temps qui vaut vraiment la peine d'être lu ou relu si on en a la possibilité. Je le cite, hein, Alan Moore écrit « La littérature qui s'intéresse à la classe ouvrière, qui est souvent écrite par des personnes issues de la classe moyenne, ne le fait que sur deux registres. Soit elle la condamne pour sa stupidité et sa vulgarité, soit elle la plaint et la prend de haut. Les pauvres, comme tout le monde, se voient comme des héros au sein de leur propre récit. » Laurent Kessy, commentaire libre. Oui, on peut voir là aussi le début de son amour pour la littérature populaire qui est la bande dessinée. Quand on est dans un milieu ouvrier comme là où il vivait enfant, un des premiers apports culturels était à l'époque en tout cas le fascicule bon marché de bande dessinée. Et Moore s'est construit à la fois sur ce socle de... Alors il y a une anecdote célèbre où il est malade et il demande à sa mère de lui ramener une BD. Et elle se trompe, elle lui ramène un des premiers numéros des 4 Fantastiques qui est pour lui une espèce d'épiphanie. Et voilà, il découvre les super-héros comme ça. Il y a à la fois ça, cette BD très populaire à laquelle il est resté attaché toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. Et à côté, un peu plus tard, il y a ce... Lorsqu'il voit, qu'il découvre qu'il est un peu différent, qu'il a un tempérament artiste... C'est sa découverte des comics underground et des BD de Robert Crumb et tout ça. Et c'est sur ce double socle à la fois très populaire et très contre-culturel que le Moore auteur va se construire ensuite. Mais donc la base populaire, la base ouvrière est très importante. Et jusqu'à aujourd'hui, Jérusalem... Bien sûr. Continue à parler de ça. À quelle littérature est-il biberonné, va-t-on dire? Quels sont les auteurs qui le marquent justement dans sa jeunesse et dans son adolescence, Isabelle Licaré-Guillaume? Je crois qu'il lit beaucoup de choses. C'est une constante hein, qu'on a avec plusieurs auteurs britanniques qui ont été célèbres ensuite sur la scène américaine, c'est qu'il ne lit pas que de la bande dessinée, a fortiori pas que de la bande dessinée de super-héros, et il a tendance à mettre sur un pied d'égalité bien souvent des œuvres de la culture savante et des choses beaucoup plus populaires, de la littérature de genre, etc. Et par exemple, dans Miracleman, Marvelman, la bande dessinée s'ouvre sur une citation d'Ainsi par les Zarathustra de Nietzsche. Donc on va brasser à la fois des références savantes qui restent accessibles, mais des références savantes et des références beaucoup plus populaires, notamment au genre super-héroïque et au genre de l'horreur aussi un peu plus tard. Laurent Kessy, sur ses sources littéraires. Oui, il lit beaucoup. Il lit beaucoup de science-fiction. Je pense qu'à l'époque, alors il en est revenu depuis, mais il lit les revues New Worlds, Moorcock, ces choses qui sont en train de bouger. Il lit Ballard. Et puis c'est une éponge. Il lit tout. Enfin, la légende là aussi veut que sa maison soit remplie de livres. Et, Lovecraft aussi, hein, qui va le suivre un peu tout au long de sa carrière. Bien entendu, il connaît ses classiques. Alors, est-ce qu'il a lu ça jeune ou est-ce qu'il a lu ça plus tard? Mais tout le fantastique classique anglais, américain, voire même français, du 18e, du 19e siècle, il est connaisseur de ça. C'est une culture assez éblouissante. Niveau scolaire, ça marche pas très bien. Il va vite décrocher. Il va se mettre à consommer pas mal de drogues hallucinogènes, notamment du LSD. Et ses débuts de carrière, ça se passe essentiellement dans des fanzines, Isabelle Licard et Guillaume. Il publie très tôt, je crois qu'il publie pour le journal de Northampton, donc sa ville natale, notamment une série qu'il dessine et c'est une série, un comic strip, hein, donc un strip de journal qui s'appelle Maxwell le chat magique. Je crois qu'on n'a pas eu de version française de ça, mais en tout cas, il met la main à la pâte aussi en tant que dessinateur sur cette série et il fait, il y a un esprit très do it yourself dans cette époque-là, oui, certainement. Laurent Kessy. Oui, il est artiste, il se sent artiste profondément. Il commence à fréquenter des groupes de jeunes, des sections culturelles dans la ville de Northampton, qui lui permet de toucher un petit peu à tout, au théâtre, à la musique. Et c'est vraiment par le dessin qu'il commence, on le sait peu, mais à la base c'est un dessinateur. Et c'est là qu'il va trouver vraiment son moyen d'expression, en commençant vraiment par des choses un peu underground, enfin dans le style underground, pas du tout dans les super-héros. Et il va travailler pour la revue Sounds aussi, qui est une revue de rock. Et ce n'est qu'après, quand il va décider de commencer véritablement à écrire, parce que dessiner lui prend trop de temps, et que comme il décide à un moment de vivre de ça, il voit qu'écrire lui vient plus facilement et lui permet de travailler plus et de gagner un peu plus d'argent. Ce n'est que là qu'il va sortir un petit peu de ce milieu rock underground et passer aux choses qui intéressent le grand public et pour lesquelles il peut travailler. Et en l'occurrence, les super-héros, la science-fiction, enfin, il va répondre aux demandes du marché, quoi. Parmi les sources hein, qu'il cite lui-même, il cite aussi pas mal, évidemment, la Beat Generation, Burroughs, principalement, ce qui est pas très étonnant quand on connaît son œuvre. Et effectivement, vous le disiez, ses premières ventes professionnelles, c'est pour le NME, le New Musical Express. Il va ensuite écrire sous un certain nombre de pseudos, notamment Kurt Weill, hein, en clin d'œil pour le compositeur allemand, ou Gilles de Rais, quoi d'autre? Si, justement, peut-être parler de 2000 AD ou de Warrior, c'est-à-dire des premières revues où il va commencer justement à se saisir de ce qui va être l'un des fils conducteurs, comme vous le disiez tout à l'heure, Isabelle Licard et Guillaume, de sa carrière, c'est-à-dire comment est-ce qu'il appréhende cette figure du super-héros et comment il va, dès le départ, commencer à la subvertir. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le travail de Moore, c'est que c'est quelqu'un qui est, il le dit lui-même, il est fasciné par les super-héros américains. Qui ont quelque chose d'assez, alors exotique, le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas il y a quelque chose de très lointain dans les comics de super-héros qu'il lit quand il est petit, et il est fasciné par ça. Il parle en interview des buildings, des villes américaines telles qu'elles sont représentées, qui lui paraissent aussi exotiques que Mars. Et il y a donc cette fascination, et en parallèle il y a quand même un souhait de tout casser, de subvertir les poncifs du genre qui n'ont pas bougé, enfin qui sont en place depuis les années 70 et qui commencent à être un petit peu 60 même, et qui commencent à être un petit peu rance. Donc son travail assez rapidement, ça va être de se saisir des conventions pour les interroger, notamment je parle beaucoup de... Non, allez-y, je vous en prie. Là, on est en plein dedans, hein, parce que c'est en 82, il répond à un appel de Dez Skin, qui vient de lancer une anthologie de récits qui s'appelle Warrior, hein, voilà. Tout à fait. Et donc, il reprend un personnage qui existait déjà, qui avait déjà eu des aventures, et il va, réintégrer cette... je sais que je dois pas trop divulgâcher, mais il va réintégrer, en fait, l'histoire précédente du héros, comme une sorte de rêve, et lui construire une histoire beaucoup plus sombre, en fait. Le récit tel qu'il existait précédemment est nié et réécrit, donc une espèce de palimpseste, on réécrit sur le récit précédent pour donner un tour beaucoup plus tragique au personnage. qui est donc ce personnage qui a un côté super-héroïque, mais aussi un côté très humain, qui a des préoccupations qui sont les mêmes que les vôtres et les miennes, et qui vieillit, qui a des problèmes avec sa femme, qui va... Donc c'est les débuts de interroger le super-héros comme une figure aussi, une figure humaine, avec des problèmes d'humain et avec des limitations qui sont des limitations humaines. Et c'est un fil conducteur qu'on va retrouver par la suite dans son travail pour les États-Unis également. Et on voit bien, Laurent Kessy, que ce que Alan Moore aime par-dessus tout, c'est de prendre ces héros qui sont a priori des héros complètement lisses, sans aucune aspérité, et d'un seul coup les passer à la lessiveuse et à l'essoreuse justement de la noirceur et de la complexité. C'est ça. Alors il a vraiment une vraie affection pour ces personnages. D'ailleurs, on le verra plus tard quand il reprendra des vieux personnages. Il respecte leur histoire. Et quand Isabelle disait il nie leur histoire, il ne la nie pas vraiment, mais il la retravaille de façon à l'intégrer dans son projet à lui. Mais il faut peut-être remettre dans le contexte Miracleman à l'époque, quand Moore s'y attaque, c'est un personnage qui vraiment, jusque-là, ça a été pour les enfants, c'était tous les petits Anglais ont grandi avec ça. Et à l'époque, la BD de super-héros est vraiment un médium pour la jeunesse, quoi. Et le choc que la renaissance de, alors, vous lirez Miracleman pour ceux qui l'ont pas fait. Marvelman, Miracleman, on le redit, c'est la même chose, hein. C'est voilà. Juste ça. La BD a juste changé de nom à cause de Marvel. Bref, allez-y, je vous en prie. Le choc que ça a fait quand on voit Marvelman réapparaître alors que jusque-là l'histoire est quelque chose d'assez sombre, sous Thatcher, où on parle des armes nucléaires, enfin quelque chose de très presque pré-apocalyptique. Les enfants, les adolescents, alors moi je l'ai découvert un peu plus tard, mais on se disait mais on peut faire ça avec des super-héros, c'est possible, on a le droit de faire ça. C'est là où l'apport de Moore a peut-être après été mal compris par la suite, où il y a plein de suiveurs qui ont repris ce phénomène en n'ayant pas vraiment compris le projet de Moore. On peut dire aussi, remettre ça un peu dans le contexte de l'évolution des comics américains, ou en tout cas de cet univers des super-héros, qui, quand Moore arrive sur cette scène-là, est pas en forme. Marvel, ça va pas très bien, chez DC, les fils s'épuisent, il n'y a pas encore le ton qui va être impulsé par Moore d'une part, et puis à peu près en même temps, et dans un genre très différent, par Frank Miller, Laurent Kessy. Oui, alors d'autant plus que Miracleman Marvelman, c'est vraiment une BD destinée au marché anglais, qui sera traduite un peu plus tard, mais qui n'aura pas un grand succès. C'est vraiment à l'époque où Moore fait ses premières armes dans les revues anglaises, dans 2000 AD, il travaille sur des petites histoires courtes de Doctor Who, par exemple. Enfin, voilà, il se grandit là. Et quand il arrive aux États-Unis un peu plus tard. On lui demande de reprendre un personnage qui n'est pas forcément un des plus connus du catalogue DC, c'est Swamp Thing. Et donc, il arrive avec une petite réputation déjà, mais on lui confie pas encore les grosses choses. Et ce n'est qu'après, il va monter en puissance, faire ses preuves sur Swamp Thing et démontrer son vrai potentiel après sur Watchmen, qui va révolutionner. Alors là, pour le coup, vraiment, c'est une explosion avec le Dark Knight de Frank Miller. C'est ce qui va révolutionner, dont on subit encore les influences et les contre-coups aujourd'hui. Pour votre sécurité à tous, un couvre-feu de code jaune est actuellement en vigueur. Tout personnel non autorisé sera susceptible d'être interpellé. Pour votre sécurité à tous, un couvre-feu de code jaune est actuellement en vigueur. Tout personnel non autorisé sera susceptible d'être interpellé. Oh! Excusez-moi, mademoiselle. Désolée, je vous ai pas vu. On a l'air pressé. J'étais juste en train. Tu sais que tu violes le couvre-feu? Mon oncle, il est très malade. Ah, l'oncle au fond de son lit. Qu'est-ce que t'en penses, Willy? Du putain de baratin, voilà ce que j'en dis. J'ai fait une erreur. Je devrais pas être dehors après le couvre-feu, j'en suis consciente. Ouais, ben peut-être que tu pourrais t'occuper de nous avant d'aller chez ton oncle. Mon pote, là, il est comme qui dirait malade. Pas vrai, Willy? Très malade, j'ai vraiment les boules. Tu peux tâter. Ne me touchez pas! T'as vu, Willy, il griffe le chaton. Elle nous a menacés, là? Pour une menace, c'est une menace. Tu sais ce que ça veut dire, ça? On peut appliquer les sanctions qu'on jugera nécessaires de façon légale. Et ça va être dur à avaler. Le doigt, c'est pas vrai. Ah, elle commence à comprendre. Je vous en prie, j'en savais rien, je suis désolée. Désolée pas encore, mais tu le seras bientôt. Si au lever du soleil, t'es pas le petit cul le plus désolé de tout Londres, tu seras sûrement le plus déchiré. Oh non, pitié, ne faites pas ça, je rentre chez moi, je vous jure que je ne ferai plus, pitié. Vous en pensez quoi, les gars? Nous, on aime bien, on châtie bien. S'il vous plaît. Les prolifiques vilainies de Dame Nature vont pullulant sur lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Foule dans le tas, couteau. Dédaignant la fortune et brandissant son épée qui fumait d'une sanglante exécution. Agent du doigt, mon vieux. Voilà, vous venez d'entendre le début de l'adaptation cinématographique de V pour Vendetta par James McTeigue en 2006, où dans la scène que vous venez d'entendre, la jeune héroïne Evie est agressée sexuellement par deux agents de la police qui s'appelle Le Doigt, dans un Londres futuriste qui est dirigé par une dictature qui ressemble beaucoup à celle de George Orwell et de 1984, et apparaît ce personnage vengeur masqué. V, peut-être un mot sur V pour Vendetta, qui est une œuvre incroyablement politique et anarchiste, Laurent Kessy. Oui, alors V pour Vendetta démarre par... C'est des petits épisodes en noir et blanc de 8 ou 12 pages, je me souviens plus, je crois que c'est 12 pages. Donc dans une revue jusque-là destinée à des super-héros, à des héros du futur musculeux, enfin à de la littérature très populaire, et Moore là-dedans commence à par petites touches, par récit après récit, a formé son premier grand récit d'ampleur, en vérité, V pour Vendetta, qui est une œuvre alors éminemment politique sur l'anarchisme. Incroyablement politique. Oui, Moore est anarchiste et ne s'en cache pas. Il décide de traiter de ça sur le fond d'une dystopie très influencée par 1984, par Le Meilleur des Mondes, voilà, par les grandes dystopies du 20e, qu'il place en Angleterre et qui déguise mal la situation actuelle des années 80 de Thatcher. Oui, parce que il commence V pour Vendetta 2 ans après l'élection de Thatcher. Oui, voilà, il parle de son présent sous des dehors de dystopie. En exagérant tous les travers de l'Angleterre qu'il voit. Et voilà, il part d'anarchie. Alors, il a regretté que le film, plus tard, ne parle pas, lui, vraiment d'anarchie, mais plutôt de démocratie, et qu'il n'ait pas osé aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à transposer l'histoire aux États-Unis carrément, puisqu'il parlait, en gros, de leur pays sous Bush à l'époque. Un mot sur V pour Vendetta, Isabelle Licaré-Guillaume, qui est vraiment, pour le coup, alors, on n'est plus vraiment dans l'univers du comics, mais c'est publié tout de même dans des comics, comme le disait tout à l'heure Laurent Kessy, et c'est vraiment, enfin, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, je suis assez sidéré, parce que c'est quasiment un appel, c'est une sorte de manifeste pour la révolution anarchiste. C'est compliqué de dire que c'est pas qu'on est en dehors du domaine du comics, parce que comics, ça veut juste dire bande dessinée. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas forcément. Mais il parle aussi beaucoup de thématiques, contemporaines à l'Angleterre, notamment la question de la surveillance avec les caméras de sécurité qui sont très orwelliennes, mais qui font aussi écho à une réalité. De la Grande-Bretagne de l'époque, qui est qu'on commence à voir fleurir un peu partout des caméras de surveillance. Et donc, on voit très nettement à quel point il parle de son présent quand il parle de ce futur post-Troisième Guerre mondiale imaginé. Et avec ses références littéraires, poétiques et historiques, hein, Remember, Remember, The Fifth of November, qui débute la bande dessinée sur une explosion de Londres, et ce personnage de Guy Fawkes qui va chercher justement dans l'histoire politique anarchiste de la Grande-Bretagne, Laurent Kessy. Oui, alors c'est là qu'on voit toute la culture de Moore et tout l'apport qu'il peut apporter en allant chercher sur d'autres supports pour les transcrire dans la bande dessinée. À un moment, il y a un morceau de musique qui est mis en forme dans la BD. Moore puise dans sa culture et n'hésite pas à mêler la culture la plus populaire qui soit à l'époque, en tout cas la BD, avec ce qu'on pourrait dire la grande culture. Et puis ce qui est assez admirable aujourd'hui, ou en tout cas qui montre la portée et l'ampleur de l'œuvre de Moore, même si c'est évidemment à travers en grande partie l'adaptation cinématographique que le grand public a découvert V pour Vendetta, c'est aujourd'hui l'utilisation qui est faite de ce masque de Guy Fawkes qui s'est répandu et qui est devenu de facto un signe de protestation, de révolution, de révolte. Isabelle Licaré-Guillaume, comment vous le comprenez ou comment vous l'interprétez ça? C'est d'autant plus drôle que initialement, le personnage de Guy Fawkes, c'est un personnage qui n'est pas du tout connu ou compris à l'international. Il me semble que j'avais lu une interview dans laquelle Moore dit que ses amis américains ont lu V pour Vendetta, ils ont bien aimé, mais le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils savaient pas qui était Guy Fawkes, et que donc ils sont passés complètement à côté de la signification du masque et du personnage donc d'anarchiste qui avait tenté de faire exploser le Parlement, voilà, au XVIIIe siècle, hein, c'est ça. Je crois, de mémoire. Oui, enfin, c'est sur fond de conflits religieux, donc c'est un peu compliqué, mais il utilise en tout cas le personnage comme un, comme un emblème anarchiste. Mais on passe donc d'un personnage qui fait partie de la culture populaire aussi, quelque part, quand même, hein, de la culture britannique, et il lui donne une ampleur, à travers la réutilisation dans les films, il lui donne une ampleur qui devient mondiale. Donc c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là. Le fait aujourd'hui que ce masque de Guy Fawkes soit devenu et soit utilisé par les Anonymous, enfin par des dans les contestations populaires, notamment par les jeunes, qu'est-ce que ça vous inspire, Laurent Cassy ? Alan Moore a modifié la réalité d'une certaine manière, c'est quasiment un acte magique, quoi. C'est ça, exactement. Il était d'ailleurs très heureux que les. Alors, c'était Occupy Wall Street aussi, et je pense qu'il s'est même rendu à Londres pour aller rendre visite aux jeunes du mouvement Occupy. Et pour une fois, il était plutôt ravi qu'on reprenne une de ses créations, voilà, pour la mettre dans la réalité politique. Alors, on va continuer à dérouler sa carrière, puisque le temps passe et il y a encore beaucoup de choses à dire. On peut passer, alors, le premier contact avec les comics grand public, entre guillemets, c'est Marvel UK en 83, où il reprend un peu comme il a fait pour Marvel Man, Captain Britain. Vous pouvez dire un mot rapide là-dessus, Isabelle Licaré-Guillaume? Oui, c'est une série qui est sans doute moins subversive, moins marquante en termes génériques que Marvelman. Il y a quand même un côté un petit peu plus, disons, le personnage de Captain Britain est aussi un personnage un petit peu loser, un petit peu pas aussi performant que ses camarades états-uniens. Mais ça, c'est aussi quand même c'est quelque chose qui est célébré en fait par les lecteurs. Quand vous lisez le courrier des lecteurs de Captain Britain, il y a beaucoup de Britanniques qui sont contents d'avoir un personnage qui réussit pas toujours, qui a des problèmes, qui échoue, qui est un peu tourmenté. Donc on voit quand même que le fait qu'on soit en Grande-Bretagne et pas aux États-Unis va aussi jouer sur la réception du genre super-héroïque, sur le goût qu'on a ou pas pour des personnages de super-héros intouchables, et ça pose en fait les jalons de cette traversée de l'Atlantique qu'il va effectuer et à travers laquelle il va amener des thématiques très britanniques dans une industrie américaine. Oui, même si, pardon, je termine juste. On parlait tout à l'heure du fait qu'il arrivait et que donc il transformait la bande dessinée, il lui donnait ses lettres de noblesse et tout ça. C'est un récit, le récit de Moore comme l'un des héros de l'âge adulte de la bande dessinée, c'est un récit qu'on fait volontiers. Il faut quand même se rappeler que en parallèle de ça et en préparation de ça, il y a quand même des transformations très profondes du marché états-unien. La distribution devient différente. On achète les bandes dessinées dans des boutiques spécialisées. Donc il y a un lectorat adulte qui se construit de façon concomitante avec l'arrivée de Moore. Moore n'est quand même pas le héros. L'initiateur, oui, bien sûr. C'est pas tout à fait, quoi. Le marché des comics est en train d'avoir sa mue et il va y avoir d'ailleurs quelques titres qui ne sont pas d'ailleurs scénarisés par des grands comme Moore ou Miller, mais qui vont montrer comment cette mue et le changement de public finalement du comics qui va effectivement devenir des comics plutôt à destination des jeunes adultes et des adultes que des bandes dessinées pour enfants. Le passage aux États-Unis, c'est le passage aussi dans l'écurie d'ici. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Laurent Cassy, c'est le moment où Alan Moore récupère, alors pour le coup, un héros qui n'est pas vraiment un héros, qui est vraiment tout droit sorti des pulps et un peu tombé dans l'oubli, c'est Swamp Thing, la créature du marais. C'est une série d'horreur, à peu près, voilà, avec le Monster of the Week en général. Et là aussi, Moore reprend, alors pas la même formule, mais le même principe que pour Marvelman. Il va complètement transformer la nature du héros, c'est-à-dire que ce n'est plus un homme qui a été transformé en créature des marées, mais cet homme est mort. Moore nous dit d'entrée, cet homme est mort, c'est le premier épisode de la leçon d'anatomie. Cet homme est mort et la créature que vous voyez là a simplement absorbé les souvenirs de cet homme, et donc renversement de paradigme énorme, et à partir de là la série va dérouler tout un tas de problématiques sur l'humanité, sur la nature, beaucoup sur les principes écologiques aussi. Et Moore va à travers cette série aussi créer d'autres personnages et puis créer tout un label, enfin sans le vouloir, mais tout un label qui s'appellera Vertigo et qui révolutionnera aussi tout un pan des comics américains. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces interventions commencent d'un seul coup à marquer les timelines de ces personnages. C'est-à-dire que d'un seul coup, le travail de Moore va faire basculer ces univers dans d'autres univers et ensuite vont donner une progéniture. C'est-à-dire qu'ensuite, les autres auteurs vont venir se greffer sur ces univers, et notamment, vous l'évoquiez tout à l'heure, Laurent Cassy, via une relecture d'un personnage emblématique de l'univers de Batman, c'est le Joker, un stand-alone, c'est-à-dire un épisode unique qui s'appelle The Killing Joke, Souriez, qui a été adapté une fois de plus en film animé cette fois. I want to talk. I've been thinking about you and me. About how this is going to end. About who will end up killing who. Perhaps you'll kill me. Perhaps I'll kill you. You know that, don't you? Voilà la voix de Batman dans The Killing Joke qui va rendre visite au Joker enfermé dans la ville d'Arkham et qui lui dit voilà, j'ai beaucoup pensé à vous, à moi, à notre combat, à ce combat qui nous oppose depuis des années. Ça va mal se terminer, soit je vais vous tuer, soit vous allez me tuer. Peut-être qu'on pourrait dépasser cette opposition et puis et s'ouvre une fable extrêmement noire qui va raconter les origines du Joker qui était resté inconnu. Donc il renverse aussi en quelque sorte Isabelle Licaré-Guillaume des espèces de tabou du monde du comics en apportant cette lecture extrêmement sombre, extrêmement noire, où le Joker et Batman deviennent en fait deux faces du même personnage, en quelque sorte. Oui, et puis d'ailleurs, le récit a été pas mal critiqué pour le côté un peu gratuit de certains passages. Il y a un passage de violence sexuelle qui a été beaucoup, très, très, beaucoup très commenté brutal, et que d'ailleurs Moore a partiellement désavoué. Ce qui est intéressant dans Killing Joke, c'est aussi d'abord le dessin de Brian Bolland, oui, qui est une immense superstar du comics, c'est qui ce récit là c'est aussi le désir de DC de mettre ensemble deux très grandes stars, Moore et Bolland, ensemble pour créer un récit qui est, comme vous le dites, un standalone, ce qui ne va pas nécessairement de soi, puisque normalement Batman c'est des séries qui se suivent. On peut pas faire juste un épisode, enfin on peut pas, on le fait, mais C'est rare, surtout à cette époque-là. Isolé, voilà, surtout à cette époque-là. Donc, en fait, ça montre aussi quand même la notoriété qu'a déjà acquise Alan Moore et le désir de DC Comics de mettre en avant ces créateurs-là. Et on rentre vraiment dans une ère qui est l'ère de l'auteur de bande dessinée. Et Moore a aussi énormément travaillé sa posture d'auteur, sa légende personnelle. Et avec Killing Joke, on voit bien à quel point DC compte sur la valeur ajoutée que lui procure le nom d'Alan Moore sur la couverture et celui de Brian Bolland. Laurent Cassis sur The Killing Joke. Oui, on est à une époque où Alan Moore est en feu. Il vient de publier Watchmen, il est vraiment révéré, quoi. Donc DC en profite. Et d'ailleurs, Killing Joke est un format européen, c'est-à-dire 48 pages comme les albums européens. C'est un pari aussi de DC, je pense, d'essayer d'aller vers de nouveaux formats. Et donc il copie le format européen. Une autre chose qu'on n'a pas précisé, parce qu'on parle de Alan Moore depuis le début, mais ce sont les dessinateurs d'Alan Moore. Alan Moore travaille avec des dessinateurs, alors plus ou moins doués, plus ou moins percutants, etc. Mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que lui, il travaille à chaque fois en sachant avec qui il travaille et en ayant en tête les points faibles et les points forts des dessinateurs. Et donc, il leur fait à chaque fois donner leur meilleur. Il est très bon pour ça, pour aller vers les qualités de chaque dessinateur. Et ça, c'est très important aussi dans la carrière d'un scénariste. On est obligé d'avancer un peu parce que on arrive déjà dans le dernier quart d'heure de cette émission. Vous l'avez cité, peut-être ce qui cloute la réputation et le génie d'Alan Moore, c'est là encore une fois une relecture complète du mythe du super-héros qui va complètement bouleverser finalement la façon dont on perçoit les super-héros en les humanisant et en faisant finalement des héros remplis de passions tristes. C'est la série Watchmen, Les Gardiens, qui a été adaptée au cinéma par Zack Snyder en 2009. Ainsi, Rorschach pense que quelqu'un prend les masques pour cible. Tu crois que c'est possible ? Je crois statistiquement qu'un meurtre ne fait pas la règle. Rorschach est un inadapté social, comme l'était le comédien. Il était limite nazi. Tu le sais mieux que quiconque. Je ne suis pas là parce qu'il me manque. Rorschach a l'air de penser que nous sommes les seuls à connaître nos vraies identités. Une chose est sûre, la tienne est connue de tous. C'est pourquoi je te préviens en premier. Merci, Ida. Mais je crains qu'il y ait une menace bien plus tangible à appréhender que le tueur de masques de Rorschach. S'il fallait que les Russes aient recours au nucléaire, est-ce que John pourrait stopper les missiles ? Les Soviétiques ont 51 000 ogives sous la main. Même si John en pulvérise 99%, le 1% restant détruirait toute vie sur Terre. Même le docteur Manhattan ne peut pas être partout. Voilà, Watchmen. Alors, pour vous décrire un peu ce qu'est cette série, on est dans une uchronie où, suite à un accident, les États-Unis se dotent d'un surhomme qui a tout pouvoir et du coup, la guerre du Vietnam est gagnée. Nixon se maintient au pouvoir, mais néanmoins, face à ce surhomme, la surenchère nucléaire est de plus en plus haute et la bande dessinée d'ailleurs est rythmée par l'horloge nucléaire qui se rapproche petit à petit de minuit. Commentaire libre sur Watchmen. Effectivement, c'est peut-être le chef-d'œuvre, l'un des chefs-d'œuvre avec V pour Vendetta, à mon sens, d'Alan Moore. Laurent Cassis. Oui, alors pour moi, c'est le chef-d'œuvre. C'est vraiment un bijou parfait. C'est travaillé. Tout se répond. C'est un jeu de miroir. C'est un diamant en fait. Moore a pris un bout de charbon, il a taillé un diamant. Et c'est vraiment ça. C'est un rêve d'analyse universitaire, quoi. Vraiment. Watchmen. À ceci près qu'on peut y prendre un plaisir plus immédiat en lisant. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui sur l'histoire de la bande dessinée, en fait. La bande dessinée de pirates. Oui, sur la bande dessinée de super-héros, en fait. Moore part du principe, son uchronie, le point de départ de son uchronie, c'est que un type lambda a lu le premier épisode de Superman en 1938 et s'est dit, et si je faisais pareil. Et du coup, comme il y a des vrais super-héros qui existent dans le monde de Watchmen, ben, les BD de super-héros ne fonctionnent plus, en fait, parce qu'elles font plus rêver puisqu'il y a des vrais super-héros. Et donc, ce sont les BD de pirates qui ont pris le relais. Il y a d'ailleurs une BD de pirates dans Watchmen. Et c'est un discours comme ça, un métadiscours, toute l'histoire sur l'histoire et l'évolution des BD de super-héros, et moi je trouve ça vraiment fascinant. Et c'est une BD de super-héros où il y a en fait un super-héros qui n'est même plus un super-héros, qui est Dieu, enfin qui est devenu une divinité puisqu'il peut strictement tout faire. Or, tous les autres super-héros n'ont aucun pouvoir. Ce sont juste des gens qui prennent des masques et qui veulent rendre justice avec tous les problèmes que cela pose, hein, puisque l'un des gimmicks de Watchmen, c'est Who Watches the Watchmen, qui surveille les gardiens, qui garde les gardiens. Isabelle Licaré-Guillaume, les Watchmen, c'est un trésor, un diamant d'analyse pour un universitaire, comme le dit Laurent Cassis. Oui, ce qui est certain, c'est que c'est l'un des titres qui forme le canon absolu de l'étude de la bande dessinée aujourd'hui. C'est l'un des deux ou trois titres qui sont les plus étudiés, il y a des centaines d'articles à son sujet, et à raison, puisque comme le disait Laurent, le travail formel de la mise en case, le travail de ce qu'on appelle le gaufrier, c'est-à-dire le 3 cases par 3 cases, 9 cases, qui est la structure à partir de laquelle on va voir des variations apparaître, on peut analyser pendant 10 ans sans s'arrêter Watchmen, il n'y a aucun problème. Les dessins de Dave Gibbons, pour le coup, qui sont incroyables et qui reprennent totalement l'esthétique super-héroïque, mais avec un travail de cases et de détails, là aussi, c'est difficile d'en parler à la radio, mais on va vous mettre évidemment quelques images, quelques illustrations sur notre fil Twitter, @lamethodeSC. Je vous laisse poursuivre, Isabelle Licaré-Guillaume. Oui, peut-être pour faire un point aussi sur l'importance de ce titre dans l'histoire de la bande dessinée en général. On est en 86, et 86, c'est un peu l'année merveilleuse de la bande dessinée où on a les étoiles qui s'alignent, et on a à la fois Watchmen avec Dave Gibbons, on a The Dark Knight Returns de Frank Miller, et on a le premier volume de Mouse de Art Spiegelman, qui n'est pas du tout un récit de super-héros, mais qui est un témoignage de l'Holocauste, hein, mais qui participe à faire prendre conscience que on peut raconter n'importe quoi en bande dessinée, y compris des choses très très graves et très sérieuses. Donc tout ça se met un peu en place la même année, en 86, et donc évidemment Watchmen va être particulièrement remarqué dans ce contexte et particulièrement mis en avant. Et c'est aussi rendre à César ce qui est à César. Dave Gibbons joue un rôle absolument crucial en étant au dessin, et en même temps, Moore est un scénariste qui a à cœur d'écrire de façon très très très précise ce qu'il souhaite. Donc quand il écrit ses scénarios, c'est souvent des lettres ouvertes aux dessinateurs qui peuvent faire 80 pages de texte pour 24 pages de dessin, et donc il va aller dans les moindres recoins, décider ce qui doit être écrit sur le banc qui est au fond de la case, de la troisième case, en partant de la gauche. Enfin, c'est vraiment ce genre de choses. Donc, on est sur un maniaque du détail qui travaille avec un génie du dessin, et le rendu, effectivement, est un rendu d'orfèvre, tout à fait. Peut-être un mot très très rapide, Laurent Cassis, sur l'adaptation de Zack Snyder et sur la série qui a été bien diffusée l'année dernière sur HBO, qui est une sorte de suite. Alan Moore s'est exprimé là-dessus. Il déteste tout comme d'habitude, ou est-ce qu'il est un peu plus clément? Je pense qu'il n'a vu aucun des deux. Il s'y intéresse pas. Il a une relation très difficile avec Watchmen parce qu'il a l'impression, je pense à juste titre, de s'être un peu fait voler le titre par DC. Et donc, voilà, lui, il s'en détache. Il a laissé tout l'argent à son dessinateur. Donc, il a même pas touché un centime sur les droits d'adaptation des films et de la série. Ce qu'on peut dire, le film adapte très bien visuellement la série sans aller dans la profondeur du texte, quoi. C'est vraiment très linéaire. Et la série, par contre, fait un effort là de recherche. Il y a notamment tout ce métadiscours aussi sur la série télé. Moi, dès le début, j'étais assez bluffé par la série qui montrait qu'elle avait compris vraiment la BD, et puis qui à la fin se perd un peu en essayant de se raccrocher un peu à la BD. Là non plus, je veux pas divulgâcher, mais il y a quelques éléments qui voient. Quand on se frotte de trop près, c'était bien au début parce qu'il s'éloigne un peu. Puis quand on revient se frotter un peu au travail de Moore, vraiment, qu'on est dans le dur, ça devient un peu plus compliqué. Un traitement assez audacieux du personnage d'Ozymandias, interprété par Jeremy Irons dans la série, qui en fait une sorte de personnage comique assez surprenant. Un mot rapidement aussi sur ces adaptations et cette suite, Isabelle Ligier-Guillaume, selon vous. Pas du tout. Non. Je les ai absolument pas vus, je suis désolée. D'accord, ok, bon, très bien. Non, comme Alan Moore. Vous êtes une puriste, vous avez raison. On va avancer. Les années 90, peut-être, et c'est impossible de ne pas en parler, sortir un peu de son travail pour rentrer dans la magie, le langage, l'art, la conscience et la magie sont quatre facettes du même phénomène, écrit Alan Moore. Notre culture puise ses racines dans des composants éparpillés de la magie. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette conversion, si on peut parler de conversion, Laurent Kessy? On dit dans notre livre avec Nicolas Trespalet que c'est un peu la crise de la quarantaine, mais c'est ça. Le jour de ses 40 ans, il annonce à ses amis, à ses proches, à partir d'aujourd'hui, je suis magicien, je deviens magicien. Et en effet, il devient magicien. Pour lui, ça s'apparente vraiment, pour schématiser, à l'art, en fait. La magie, c'est comme les premiers hommes des cavernes qui peignaient dans les cavernes, qui étaient des chamans. Pour lui, tout ce même processus est lié. Et donc voilà, il décide de transformer sa vie en de devenir magicien pour transformer sa vie en œuvre d'art, voilà, pour que chaque œuvre devienne un rituel magique, une incantation. Et d'ailleurs, il va faire des spectacles en fait qui sont des rituels devant du public et qui sont à la fois des œuvres d'art et des incantations magiques. Il mêle les deux pour un résultat qui est assez intéressant. C'est aussi, sans le dire, un moyen peut-être de donner un nouveau souffle à son travail, à sa carrière. On n'a pas parlé, et on n'aura pas le temps de parler ni de From Hell, ni de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et pourtant la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qu'est-ce qu'on aimerait en parler, où il reprend des personnages de la littérature 19e, des personnages de la littérature fantastique, c'est-à-dire le capitaine Nemo, Mina Harker, l'homme invisible, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et Alan Quatermain, pour les réunir ensemble et pour sauver l'Angleterre. Allez, un mot rapide quand même, Isabelle Licaré-Guillaume, c'est absolument génial de remettre l'idée, de reprendre ce patrimoine littéraire britannique, et là c'est une méta-œuvre littéraire à partir de cette base des romans fantastiques 19e. Oui, en même temps c'est tout à fait dans la continuité de son travail, puisque c'est quelqu'un qui depuis le début a incorporé un nombre titanesque de références à la littérature mondiale et à ce patrimoine-là. Donc finalement, il rend explicite des choses qui auparavant étaient implicites. Mais c'est vrai que dans la Ligue, ça prend des allures de jeu de piste, quoi. Il y a des sites de fans entiers qui sont consacrés à recenser quelle référence est où, et à tel endroit on voit le livre qui apparaît dans 1984, et donc on peut comprendre que, donc c'est vrai que ça devient beaucoup plus explicite et beaucoup plus concret, peut-être, ce projet de s'insérer dans la littérature mondiale. Voilà. Un mot aussi, Laurent Kessy, c'est il y a les dernières aventures de cette Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est le moment où Alan Moore a décidé d'arrêter, d'annoncer sa retraite graphique après la publication du dernier volume. C'était l'année dernière. Voilà, c'est ça. Il a décidé alors on ne sait pas, de se consacrer à la littérature en prose. On ne sait pas trop, mais c'est la dernière œuvre dont il a encore les droits et sur lesquelles il travaille. Inspiré par, quand même, il faut le dire, par Philip Joseph Farmer, qui avait travaillé ce genre de personnage aussi des pulp avant lui. Et puis aussi, c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans la carrière de Moore. Watchmen, c'était déjà ça. Il avait pris des personnages d'un petit label de comics qui existait pour les travailler comme ça, et DC l'en a empêché parce qu'il voulait s'en resservir, donc il a créé d'autres personnages, mais c'est quelque chose qu'il refait souvent. Il a fait ça aussi avec Lost Girls, en reprenant des personnages de la littérature, Alice au Pays des Merveilles, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, le travail sur la culture populaire, sur le ou sur la littérature même, il prend la fille de James Joyce dans Jérusalem, là, son dernier roman. Bien sûr. C'est quelque chose qui le travaille depuis le début et avec lequel il va se colter encore, j'espère, longtemps. Oui, on peut citer en France le travail de Serge Lehmann sur la Brigade Cimérique, qui tente un peu de faire sa notre ligue des gentlemen extraordinaires français. Exactement. On n'aura pas le temps donc de parler de ces deux romans, mais qui sont tout de même passionnants, La Voix du Feu chez Helios et Jérusalem, qui est une sorte de projet titanesque. J'aimerais, on peut vous renvoyer à des émissions, notamment François Angeli avait parlé de Jérusalem. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Pour conclure, j'aimerais tout de même avoir votre opinion sur la postérité, sur les bébés Moore, parce que Alan Moore, c'est aussi cette capacité à créer une nouvelle génération d'auteurs qui vont emboîter ses pas. Je pense par exemple à Neil Gaiman ou à Grant Morrison, Isabelle Dicker-Guillaume. Oui, absolument. Ben, Moore, va être perçu par DC Comics notamment comme la poule aux œufs d'or. Donc, immédiatement après son succès avec Watchmen, et même déjà dès Swamp Thing, on a des responsables éditoriaux qui sont envoyés en Grande-Bretagne pour chercher le prochain Alan Moore. Il le trouve pas exactement, mais il trouve quand même des gens qui s'en rapprochent. Neil Gaiman étant peut-être l'héritier le plus direct, puisque c'est quelqu'un qui va aussi énormément travailler la question de la fiction, du pouvoir de la fiction, du pouvoir magique de la fiction, du mythe, et continuer à interroger le genre super-héroïque. Grant Morrison fait également ça, d'ailleurs c'est un autre magicien autoproclamé. Oui, absolument. Les Invisibles, qui est une série absolument majeure, incroyable, et parfaite, à mon avis très très sous-estimée. Ouais. Ouais. Et qui est réputé avoir inspiré Matrix d'ailleurs. Mmh. Ouais. Laurent Kessy, un mot sur la postérité, les bébés Moore. Oui, on peut en citer d'autres, Peter Milligan par exemple. Mmh. Le rapport avec Grant Morrison est assez rigolo. Je suis comme vous, j'adore Grant Morrison, j'adore les Invisibles, mais Moore déteste Grant Morrison, on sait pas pourquoi. C'est il se déteste depuis les origines. Voilà, ça se perd dans les temps immémoriaux. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux magiciens? Alors qu'ils sont, c'est King Jock, c'est les deux facettes du même personnage en fait. Hein. Mmh. Moore, autant l'un est barbu, chevelu, l'autre est glabre et chauve. Ouais. Voilà, c'est vraiment, on dirait des personnages de super-héros qui s'affrontent par interview interposée. Si vous avez l'occasion, lisez des interviews où ils parlent l'un de l'autre, c'est hilarant, vraiment. Et en fait, pour moi, c'est lui qui se rapproche le plus. Mais c'est pas que l'un est influencé par l'autre, c'est qu'ils ont grandi dans le même milieu, et qu'ils avaient les mêmes obsessions et qu'ils sont devenus le Joker et Batman. Voilà, c'est une excellente fin. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler d'Alan Moore. Merci Isabelle Licard-Guillaume. Laurent Kessy, on peut vous lire dans le guide d'Alan Moore qui est publié aux éditions ActuSF, que vous avez coécrit avec Nicolas Trespalet. On peut lire également chez ActuSF l'hypothèse du lézard illustrée par Cindy Canevet d'Alan Moore. Et puis moi, je ne peux pas m'empêcher de vous conseiller cette biographie incroyable, la biographie illustrée publiée chez Dargo de Gary Spencer Millidge d'Alan Moore, qui est vraiment pour le coup toutes les références visuelles, qui est une bible et qui ne quitte jamais ma table de nuit de très très loin. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Ville-France, Céline Lozanne, Eve Etienne, Véronique Lamandour à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique. Un tour dans le labo de La Méthode pour la semaine prochaine. Nous vous parlerons lundi de nos amis les dauphins, et oui, mardi nous demanderons s'il y a de l'eau sur Cérès. Mercredi, il sera question de la lutte contre les marées noires. Jeudi, archéologie de la transmission ou comment nous avons appris à apprendre. Et bien, vendredi sera une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain à 16h, vous retrouverez le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.